Ouais. Bon, bah, du coup, j'ai l'impression que je suis à la rue, c'est ça? Merde. À votre bon cœur, monsieur, dame. Je secoue mon petit truc là. Je secoue mon petit truc. Personne ne va rien me donner si je fais ça. C'est ça. Veuillez remonter votre pantalon. Alors, de bon cœur, monsieur, dame. J'attends que vous me répondiez. D'accord, ok, c'est bon. Merci. Pardon. Merci. Merci. Alors. Non, mais j'ai parlé en même temps, du coup. Ok. À votre bon cœur, monsieur, dame, à votre bon cœur. Où est-ce que j'ai foutu ma guitare? J'étais dans la rue et j'avais un chien qui s'appelait Lulu. Et il est mort de dysenterie. Alors, pardon. Si, si, c'est enregistré depuis tout à l'heure. Oui. Alors. Ah bon que. Merde! J'ai plus de chico. À votre bon cœur! Arrête de parler en même temps que moi, bordel! C'est bon, vous avez fini? Pardon. À votre bon cœur, monsieur, dame! À votre bon cœur! Que le petit Jésus soit avec vous! Bon, alors. Bien sûr, je vais acheter à boire. Mais t'as vu à quel point ta vie est affreuse? Faut bien survivre. La ville? Ok. Bien sûr, je vais acheter à boire. T'as vu à quel point ta ville, elle est affreuse? Faut bien survivre. Eh ben, ça t'apprendra. Ouais, par exemple. C'est bien parce que ça fait. Oh, bah. Eh, c'est bien mieux ça. Bien sûr, je vais acheter à boire. Mais tu crois que je survis grâce au sourire des passants? Faut bien vivre, mon gars. Bah, déjà que vous faites tous la gueule. Alors. Bien sûr que je vais acheter à boire. Tu crois que je survis grâce au sourire des passants? Attends, t'es en train de me faire perdre le truc. Ok. Bien sûr que je vais acheter. Bien sûr que je vais acheter à boire. Tu crois que je survis grâce au sourire des passants? Hein? Faut bien vivre, mon gars. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon, je veux bien que tu me traites de connard, mais. Vas-y. Moi, au moins, je dépense pas toute ma paye dans les fruits et légumes bio! Pruti! Ok, je la refais. Ok. Oh non, c'est dur, hein. Bah, surtout quand t'es avec du lu. Bah oui, mais il va me traiter de connard encore une fois, peut-être. moi, au moins, pendant ce temps-là, je dépense pas toute ma paye dans les bulles. Merde, putain! Ah, j'ai encore marché dans ma propre merde. Moi, au moins, je dépense pas toute ma paye dans des fruits et légumes bio, abruti! Ah oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Attends. Ok. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu veux me piquer l'emplacement? Ah non, mon emplacement. Pardon. Tu veux me piquer mon emplacement où tu fais le tapin? Ah ok, d'accord. Je me disais aussi, c'était mal écrit. Ok. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu veux me piquer mon emplacement ou tu fais le tapin? Parce que je serais plutôt intéressé. T'as des belles courbes au niveau des couilles. Alors. Ok. Non, c'est-à-dire. C'est vous, Le marchand d'arbres. Ah, bien sûr que c'est moi! J'ai pas le look! Attends, je suis en train de me marrer en même temps. Ah, si, bien sûr que c'est moi. Tu m'as regardé? J'ai pas le look. Je me suis perdu dans ma réplique. C'est vrai. Bien sûr, c'est moi. Et regarde-moi bien. J'ai pas le look. Bon, ok, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, qu'est-ce qu'il te faut? Juste de quoi protéger ma famille. Ah, je vois. Un lance-roquettes, ça te va? Ah ouais, un lance-roquettes, ça te va? Vous êtes pas taré? Ah bah non, je suis pas taré. Enfin, si, si, j'en ai 4 sous le bras, faut que je les écoule, mais je te fais un prix. Non, mais enfin, si. Mais j'en ai 4 sous le bras, faut que je les écoule. Je te fais un prix, si tu veux. Un prix de presque ami, parce qu'on s'est quand même parlé un peu. Super. Ok. Non. Enfin, si, mais j'en ai 4 sous le bras, faut que je les écoule. Je te fais un prix. Okay. Non, ça va, merci. Vous auriez pas plutôt, je sais pas, un couteau? Oh bah, j'ai toujours ça. Bah, j'ai toujours ça. Et vous pensez que ça peut suffire pour M? Tuer quelqu'un? Ça dépend de ta patience. Tu comptes à ce qu'il meurt de vie. Pardon. Faut que je lise d'abord ce qu'il dit. Ça dépend de ta patience. Tu comptes à ce qu'il meurt de vieillesse, ton gars? Ah merde, ton agresseur. Ça dépend de ta patience. Tu comptes à ce qu'il meurt de vieillesse, ton agresseur? Ouais. Pardon. Ah, ça dépend de ta patience. Tu comptes à ce qu'il meurt de vieillesse, ton agresseur? De quoi, il est bien ou pas le couteau? Alors tu sais mon petit gars, c'est pas la question du couteau, c'est la question du gabarit de celui qui le tient. Avec tes petits bras tout faibles, la seule chose que tu fais avec ça, c'est donner une arme à ton ennemi. À ce compte-là, je te donnerais plutôt le lance-roquettes. Il y a moins de chances que ça te revienne dans la gueule. Ça ne marche pas du tout, mais. Eh bah, casse-toi! C'était pour négocier que tu disais ça? Moi, j'en ai rien à foutre, moi! Hey, je suis peut-être mauvais commerçant, mais je préfère être un clochard avec des lance-roquettes qu'une pédale qui s'habille chez Nature et Découverte, hein. Quand je dis ça, j'ai surtout couché avec des hommes, alors... Oh merde. D'accord. Eh merde. Eh merde. Bon, attendez, je ramasse mes affaires. C'est bon, j'en ai pas. C'est parti. Attendez, je vous arrête cet enregistrement-là et je vous l'envoie tout de suite. Enfin, je vais le mettre tout de suite à...